1 Corinthiens chapitre 3. Et pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et non pas de la viande, parce que vous ne la pouviez pas encore supporter, même maintenant vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, et des dissensions, et des divisions, n'êtes-vous pas charnels, et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Car quand l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, pour moi, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul, et qui est Apollo, sinon des ministres, par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun? J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Or, ni celui qui plante, ni celui qui arrose, ne sont rien, mais Dieu, qui donne l'accroissement. Et tant celui qui plante, que celui qui arrose, ne sont qu'une même chose, mais chacun recevra sa récompense, selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le labourage de Dieu, et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifie dessus, mais que chacun examine comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un édifie sur ce fondement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera quelle sera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura édifié dessus, demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte, mais pour lui, il sera sauvé, toutefois comme par le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Que personne ne s'abuse lui-même, si quelqu'un d'entre vous croit être sage en ce monde, qu'il se rende fou, afin de devenir sage. Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, car il est écrit, il surprend les sages en leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît que les discours des sages sont vains. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu.